Voilà ce qui m'amène. Mon fils a de sérieux problèmes avec sa femme qu'il bat. Je ne suis pas battue à mort. J'ai un mari qui a des problèmes avec l'alcool. Et avec moi. J'ai un petit problème, comme beaucoup de femmes. Pour mon mari, la violence qui s'exprime est la preuve qu'il me désire. Liv écoute, d'Alice Buteau. Épisode 4. Allô ? Liv ? Jean ? Je te dérange pas ? Non, mais je peux pas te parler trop longtemps. Tu es avec Mildred ? Non. Ah, t'es avec ton flic ? Non. J'étais sûr que ça collerait entre vous. Ça colle bien, hein ? Oui, ça colle. Hein. Bon, il faut que je te laisse, Jean. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis dans la salle des pas perdus, je vais entrer en audience. Dans la salle des pas perdus ? Des pas perdus, au palais de justice. Ah ! T'as un souci ? Non, je vais juste assister à des audiences. Mais pourquoi tu fais ça ? Mon besoin d'écouter est impossible à rassasier. C'est pas gênant ? Je veux dire, c'est pas du voyeurisme ? Il faut vraiment que j'y aille, Jean. Attends, si tu vois Mildred, tu peux lui dire de m'appeler ? Oui. Maître, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. On ne parle pas de 3 appels le soir. On parle de 50 appels pendant la nuit, de dizaines de SMS. Soi-disant que madame Cheval avait un amant. Monsieur s'est même rendu au domicile conjugal avec un appareil photo pour surprendre ma cliente avec ce soi-disant amant. Va te faire foutre, tu n'es qu'une merde. Et c'est des dizaines de SMS comme ça. Madame le juge, les SMS... N'intervenez pas, monsieur. C'est maintenir une emprise intolérable pour que ma cliente laisse le domicile conjugal et les enfants. Monsieur Cheval ne comprend toujours pas qu'il n'a pas le droit de faire pression sur ma cliente, de sonner à sa porte, de laisser des lettres sous le paillasson. Je demande, madame le juge, 1 000 euros pour le préjudice moral. Je trouve ça injuste. Vous n'avez pas le choix de la décision. Elle s'impose à vous. Martine, t'as oublié de tirer à ton... Ne parlez pas à madame. Vous n'avez pas le droit de rentrer en contact avec elle. Vous n'avez pas respecté le jugement. Ça s'arrête là. C'est pas un problème métaphysique. Il y a une décision judiciaire. Vous vous y conformez, c'est tout. Vous n'avez pas respecté cette obligation. Il y a eu une ordonnance du juge aux affaires familiales. Ça veut dire quoi, interdiction d'aller chez votre femme ? Je ne comprends pas que vous ne soyez pas passé en comparution immédiate. C'est quoi pour vous une décision judiciaire ? Vous vous présentez au domicile conjugal alors que vous en avez l'interdiction. Si on met les gens sous protection, c'est pour les protéger ? Interdiction d'entrer en contact, c'est interdit, monsieur. Vous n'avez pas le choix. Ni lettre, ni téléphone, ni par un voisin. Mais c'était un problème avec l'école. Non, c'est interdit. Ce ne sont pas des choix, mais des obligations impératives. Madame, vous étiez sous contrôle judiciaire, monsieur, avec interdiction de vous rendre au domicile conjugal. Vous avez déjà été condamné à 4 reprises. On voit bien votre rapport à la loi. La première violence, c'était pour une tartine beurrée. Une autre fois, quand votre épouse était au téléphone avec sa mère. Une autre fois, vous lui avez demandé « qu'est-ce qu'on mange ?» alors que c'était visible dans le récipient. Elle n'a pas répondu, puis s'est rendue dans la chambre. Vous êtes allé la frapper dans la chambre. 4 jours d'ITT. C'est quoi, capacité de travail. Vous êtes mariée civilement ? Ma cliente est en procédure de divorce. Madame la juge, s'il vous plaît, un mot quand même pour mon client. Je ne t'aime plus, j'ai juste de l'amitié pour toi, lui a-t-elle envoyé par SMS. Il faut comprendre cela. Ça n'explique pas, mais il ne faut pas entrer dans l'emphase. C'est un mauvais citoyen, un mauvais père. On peut comprendre le désarroi de cet homme dont la femme ne l'aime plus. Il y a quelque chose à entendre là, même si cela n'excuse pas les débordements. Je veux juste souligner le fait que ce n'est pas évident. Je vous demande de la bonté et de la compréhension dans votre jugement. Merci. Madame Grenier ? Non. Le tribunal déclare Monsieur Cheval coupable des faits qui lui sont reprochés. Je vous condamne à payer à madame 500 euros pour le préjudice moral et 700 euros pour le préjudice matériel. Restez dans la salle. Madame la greffière va vous notifier les obligations. Madame Grenier ? Affaire numéro 4, monsieur et madame Grenier. Madame Grenier ? Elle n'est pas là ? Non, je sais pas quoi vous dire, madame le juge. Je suis navrée, j'ai laissé de la joindre. Vous ne savez pas pourquoi ? Non, absolument pas. Elle ne répond pas. Bon. Monsieur Grenier, vous avez fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Les faits, vous les avez reconnus partiellement. Bon, moi je n'y étais pas. Vous avez déclaré vous défendre, votre femme vous a giflé. Les certificats médicaux objectivent les violences subies par votre épouse. Madame dit avoir peur de son mari et qu'il lui prenne son bébé. Vous savez, toute violence en France est interdite. Et les violences des uns n'excusent pas les violences des autres. Aucune violence n'est acceptable dans un couple. Ni ailleurs, d'ailleurs. Mais dans un couple, c'est un facteur aggravant. Quelles sont les violences que vous reconnaissez, monsieur ? Des bagarres. On ne sait toujours pas de quoi souffre Madame Grenier depuis 2008. Une dépression cachée ? Madame ne travaille pas. Madame la procureure a fait état de violence depuis juillet 2013, date à laquelle a été déposée la première main courante. On ne sait pas si monsieur a poussé madame. Je tiens à faire remarquer que madame pèse 90 kilos. Merci, maître. Monsieur, levez-vous. Voulez-vous ajouter quelque chose que votre avocate n'aurait pas dit ? Je recommence à bien m'entendre avec ma femme. Ah ! Toujours est-il que le tribunal ne veut pas aggraver les choses. Ce tribunal vous juge coupable et prononce un ajournement. Madame le juge, mon client demande s'il peut revivre avec son épouse. Le contrôle judiciaire tombe dès maintenant. Faites en sorte qu'elle soit un peu d'accord, hein, quand même. C'était « Live écoute » d'Alice Buteau. Avec Marie Dompnier, Olivier Balazuc, Joséphine Demeaux, Barbara Bolotner, Antoine Berry-Roger, Ismaël Ruggiero, Clémence Bûcher, Mathias Simon et les voix de Elsa Bosque, Émilie Chertier, Yaël El-Haddad. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Bastien Varigo, Yannick Magnien. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Sophie Haute-Picon.